sang. Fais confiance en personne, fais confiance en personne que des trahisons. J'me mettrai voile à Miami, t'as pas compris des paix à vie. Si cherche à rentrer dans ma tête, ça veut se faire à Miami. Tu es une salope et bravo, de toute façon j'ai l'habitude, ça y est. La tête en travaux, vos têtes dans ma mémoire gravée. Là j'suis coincé à la dent comme si j'avais le bracelet. J'ai qu'un assez des bons, si tu les vois embrasser-les. J'ai une salope et bravo, de toute façon j'ai l'habitude, ça y est. Je viens de là où ça peut te faire pour des histoires banales. Sur terre y'a des risques, c'est pas Netflix canal. Je multiplie les actifs pendant qu'ils font la malle. En roulant gros d'amos, on a blanchi mental. On aime trop la vida, azul tequila. Crois pas que c'est le S, il est là par intérêt. Comme Leonidas, on aime la guérilla. On défend renté comme des lions dans la tête. Eh ouais mon sang, fais confiance en personne. Eh ouais mon sang, fais confiance en personne que des trahisons. Eh ouais mon sang, fais confiance en personne. Eh ouais mon sang, eh ouais mon sang, fais confiance en personne que des trahisons. Montre le son dans l'auto, montre le son dans la cellule. Fais le signe d'oul sur la photo. Tu mélanges vos répules. Vous connaissez pas ma life. Arrêtez de faire style, vous comprenez. Vous pensez qu'à votre cul, quand ça vous arrange, vous venez. Combien de fois j'ai été trahi par des gens que je considérais. Les couteaux dans le dos font mal, mais m'empêcheront pas d'avancer. Qu'est-ce qu'il est bizarre l'être humain. Beaucoup de faux culs, d'hypocrisie. Je m'en dis de seul, je capte une main. Je le dis jamais où je réside. Eh ouais mon sang, fais confiance en personne. Eh ouais mon sang, fais confiance en personne. Fais confiance en personne que des trahisons. Eh ouais mon sang, fais confiance en personne. Eh ouais mon sang, fais confiance en personne. Eh ouais mon sang, fais confiance en personne que des trahisons. Que des trahisons.